Péché mortel par Hector France. Il ne faut jamais jurer de rien, ni dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau », car l'on s'expose à commettre bien des parjures et à s'abreuver à plat ventre la source dédaignée. C'est ainsi que mon ami Aristide Bondard, qui détestait les enfants et les Anglaises, et s'était promis de mourir dans un célibat impénitent, se trouve à l'heure qu'il est, époux d'une blonde fille d'Albion et père d'une demi-douzaine de petits anglo-français. Il m'avoua même que quand il fut pour la première fois en présence de son épouse future, alors Miss Sarah Sweethall, il n'éprouva pas pour elle la moindre sympathie, et il crut remarquer que sur ce point, les sentiments étaient réciproques. Aussi, une des sorcières de Macbeth serait-elle venue en personne lui prédire qu'avant 6 mois, Miss Sweethall changerait son doux nom contre celui plus vibrant de Bondard, il eût plongé la tête de la diabolique créature dans sa nauséabonde marmite. D'abord, Miss Sarah Sweethall pouvait rivaliser en maigreur avec sa fameuse homonyme baptismale, qui pendant chacune de ses courses dans la Grande-Bretagne laisse des visions macabres dans les nuits troublées des sensibles jeunes anglaises. En second lieu, Miss Sarah Sweethall est dévote, mais une de ces dévotes puritaines qui font prendre le bon Dieu en haine et pousseraient à désirer l'enfer si l'on était certain de les trouver en paradis. En troisième lieu, elle lui paraissait froide comme les glaces du pôle arctique, mais en cela il se trompait. Cette neige, tout en surface et d'une couche menue, fondait au premier contact tiède. En quatrième lieu, Miss Sarah était un peu mûre, non pas que les filles mûres soient dépourvues d'attraction, mais il en est d'elles comme de la terre féconde, qui exige, pour que ses fruits aient de la saveur, la culture, l'arrosage et les soins constants d'un jardinier attentif. Or, pas de jardinier n'avait remué ce terrain inculte, sauvage et desséché comme une lande épineuse, sur laquelle avaient germé pendant plus de 20 ans les prémices du printemps sans jamais être suivies des vendanges de l'automne. Cinquièmement, elle était d'une susceptibilité farouche sur l'article pudeur, et ayant entendu Aristide se plaindre un jour de perdre tous ses boutons de chemise, elle faillit tomber en syncope. Sixièmement, elle était blonde filasse, mauvais signe, prétendent les amateurs de violentes amours. Encore une erreur à détruire. Défiez-vous, homme rassis, épicier paisible et magistrat vertueux, qui aspirez à des nuits sans orage, défiez-vous des blondes aux teintes de chambre sec. Septièmement. Septièmement, c'était le 7e jour de la semaine et vers la 7e heure du matin, Aristide entendit frapper de petits coups précipités à la porte de sa chambre, juste au moment où il achevait sa toilette. Il ne les a pas comptés, mais il devait y en avoir 7. 7, chiffre cabalistique. La veille au soir, précisément, on s'était entretenu de cabale, et Miss Sarah Sweethall, de première force sur les vertus des nombres, avait déclaré, avec une autorité écrasante aux répliques, que 7 était le nombre sacré par excellence, qu'il remplissait l'Apocalypse, et que d'après tous les prophètes, il était le synonyme de « complet ». Et à l'appui de son assertion, elle citait, avec une érudition merveilleuse, une étourdissante kyrielle de textes. Stupéfié et abruti par cet étalage de science biblique, Aristide objecta un peu étourdiment. C'est alors le chiffre qui représente l'homme et la femme, puisque les deux font un tout complet. Un silence glacial fut la conséquence de cette question inconsidérée. Miss Sarah Sweethall rougit jusqu'à la racine de ses cheveux filasses, et Mrs. Rebecca Sweethall, sa belle-sœur, fut absolument terrifiée. Quant à John Sweethall, le maître de séant, il se mit à feuilleter avec rage les 4 évangélistes, et nul ne parla plus de la soirée. Donc on frappait discrètement à la porte. « Entrez, » dit-il un peu ému, et pensant que peut-être on venait le prier de porter ailleurs le libertinage de ses paroles. Mais au lieu d'entrer, on toussa, et il reconnut la toux timide de Miss Sarah. Il est bon de vous dire qu'à cette époque, Aristide Bondard occupait l'emploi de French Master chez le révérend John Sweethall, maître et sart, et docteur en divinité de l'église anglicane, et de plus, directeur d'une maison d'éducation dans le quartier de Primrose Hill. À ses fonctions de French Master s'accrochaient une foule d'autres, German Master, Latin Master, Drawing Master, Fencing Master, Swimming Master et Riding Master, en tout 7 maîtrises, mais la vérité m'oblige d'ajouter que les trois dernières étaient purement honorifiques, simples sinécures ne figurant que sur les prospectus. « Et même !» faisait Miss Sarah, et il courut ouvrir avec l'empressement et le respect dû à une demoiselle vierge et savante, joignant à sa qualité de sœur du patron le titre de superintendante de l'établissement. « Miss Sweethall ?»« Monsieur !» dit-elle en rougissant et reculant de trois pas, car il n'avait pas pris le temps de boutonner son gilet. « Mon frère est allé présider l'office divin à Christchurch et vous prie de conduire les jeunes gentlemen à l'église de la paroisse. « J'en suis désolé, Miss Sweethall, mais votre révérend frère se trompe. Conduire les élèves à l'église n'est pas compris dans nos conventions. Ce serait une fonction nouvelle et j'en ai déjà sept. Sept, entendez-vous? Et vous affirmez hier que sept est le synonyme de complet. « Si vous aviez étudié la cabale, » répliqua en souriant gentiment Miss Sweethall, « vous ne vous refuseriez pas à prendre une huitième fonction, car huit est le nombre de justice et de plénitude. » « Tiens, elle n'est pas si sotte que je le croyais, » se dit Aristide. « Mon frère vient de partir, » ajouta-t-elle. « Il m'avait chargé de vous en prier hier. J'ai oublié de le faire et vous m'obligeriez personnellement. Oui, personnellement. » Et elle lança un regard qui laissa sa victime sans défense. Aristide conduisit donc les jeunes gentlemen au prêche. À partir de ce jour, Aristide Bondard remarqua chez Miss Sweethall un complet changement. Elle lui parlait avec une courtoisie affable qu'il n'avait pas encore observée, le servait le premier au thé, et s'il restait un morceau de gâteau au madère, il était bien certain de le trouver dans son assiette. Plusieurs fois, leurs regards se rencontrèrent. Il s'aperçut alors qu'elle avait les yeux grands, bleus et très doux. Puis vinrent d'autres découvertes. Elle était maigre, mais gracieuse, plate, mais par la faute de sa corsetière. Elle avait un pied petit et bien cambré, la main blanche et fine, et si la bouche semblait grande, les lèvres entr'ouvraient leur pourpre sur de fort belles dents. Bref, elle n'était pas si laide qu'il se l'imaginait d'abord, et comme elle montait devant lui l'escalier, il reconnut que son mollet ne ressemblait en rien au fuseau de la reine Berthe. Dès lors, Aristide se prit à regarder avec plaisir Miss Sarah. Elle se familiarisa. Cette timide sensitive, que la brutale froideur des hommes avait contrainte à se fermer, ouvrit ses pétales au premier rayon d'amour. Épanouie et mise à l'aise, elle commença le doux jeu du flirtage dans les corridors, les chambres, le jardin, partout où il se trouvait. Elle le plaça près de la table, et un soir, pendant que la grosse Mrs. Sweethall s'assoupissait et que le révérend époux se plongeait dans l'intéressante lecture du Christian World, il sentit un petit pied frôler le sien. La semaine s'écoula en timides escarmouches. Enfin arriva le samedi. Ce jour-là, après 2 heures, les enfants se rendaient dans leur famille et le couple pieux, momentanément déchargé des soucis de l'école, passait d'ordinaire la soirée chez le révérend Robinson, vicaire de Christchurch et papa de Mrs. Sweethall. Les servantes, en conséquence, gobelottaient dans la cuisine en médisant des maîtres, et Miss Sarah, seule en sa chambre, se préparait aux devoirs du sabbat. Ce n'est pas une petite affaire que les devoirs du sabbat, et Miss Sweethall, d'origine écossaise, y apportait une attention toute spéciale. On sait que, plus même qu'en Angleterre, la stricte observation du dimanche est en Écosse le sine qua non de la respectabilité, et la grande préoccupation des dévots est de rechercher quelque nouvelle espèce de mortification ou de degré de sévérité qui rende la sanctification plus certaine. Ainsi, on est arrivé à ce summum de sainteté de garder les stores baissés pendant toute la journée du Seigneur, de couvrir les cages des oiseaux pour les empêcher de chanter et sans doute les engager à remplir leurs devoirs religieux, de claquemurer les autels, d'arrêter la circulation des trains, des bateaux à vapeur, des câbles et des omnibus, d'interdire enfin tout genre de locomotion autre que la marche pour aller au prêche. Mais sur ce dernier point, comme le pays abonde en lacs, golfs, anses, baies, et que certains campagnards ou gentlemen fermiers sont obligés de traverser un bras d'eau pour se rendre à leur église paroissiale, les casuistes puritains ont établi une différence entre faire la traversée à la rame ou l'effectuer à la voile. Ramer devenant, quand le trajet est long, une fatigue, ils ont permis de ramer le dimanche. Mais se laisser aller paresseusement à la voile pouvant procurer un plaisir est considéré comme outrageant gravement le Seigneur, par conséquent répréhensible, choquant et irrespectable au plus haut chef. L'on conçoit maintenant comment il se faisait que la veille du sabbat, une pieuse personne comme Miss Sarah Sweethall se préparait par d'édifiantes lectures aux prières du lendemain. Aristide Bondard, au contraire, en immoral étranger qu'il était, s'en revenait tout émoustillé de l'Alhambra, où il allait régulièrement chaque samedi secouer la carapace de cuistre qui l'affublait toute la semaine, oublier les fades odeurs de la salle d'études et des bancs usés par les culottes de plusieurs générations de bambins britanniques, en aspirant à pleine narine les capiteux parfums des belles filles en maillot. Il rentrait donc vers 11h30 dans la ricoterie scolaire, les yeux encore éblouis des féeries merveilleuses, des chairs blanches et roses, des ruissellements de cheveux blonds et bruns, des formes troublantes, des yeux brillants comme des étoiles et brûlants comme des brasiers, et il ne songeait guère à la grêle et pâle silhouette de la pauvre Sarah lorsqu'il se trouva tout à coup près de sa porte. Elle était entr'ouverte, et une ligne de lumière rayait le corridor obscur. Avec une fatuité toute française et l'audace puisée dans plusieurs verres de brandy vidés au sortir du théâtre en compagnie de jeunes personnes sans scrupules, Aristide Bondard poussa doucement lui et introduisit indiscrètement la tête dans le sanctuaire virginal. « Miss Sarah ?»« Oh, c'est vous » s'exclama-t-elle. « Vous m'avez fait peur. Que voulez-vous, monsieur ?»« Prendre avec vous une leçon de cabale, » répondit audacieusement Aristide. « Est-ce cela que vous étudiez ?» « Oh, pas maintenant, » fit-elle. « Non, c'est la Bible, la très sainte Bible. Un livre que vous ne lisez jamais, vous mauvais chrétien ?»« J'avoue que je préfère toute autre lecture. Ce n'est pas que la Bible n'est du bon, et vous vous trompez si vous croyez que je ne l'ai jamais lu. Je sais même par cœur le cantique des cantiques. Vraiment, je vous prends au mot. Vous allez le réciter, et je suivrai sur le livre. » Elle est ou bien naïve, ou bien rouée, se dit Aristide. Et il commence, tandis que, penché sur les pages, Mrs. Sarah répète tout bas les versets. « Mon bien-aimé est comme un bouquet de myrte. Il demeurera entre mes seins. Soutenez-moi, fortifiez-moi, car je languis d'amour. Qu'il mette sa main gauche sur ma tête et que sa main droite m'embrasse. » Miss Sweethall soupire, languissante, et Aristide interrompt sa récitation pour la soutenir. « Oh, que faites-vous ? » « Rien, je me conforme au texte. »« Non, non, » ajouta-t-elle mollement. « Je veux vous entendre encore, savoir si vous pouvez dire tout. »« Je dors, mais mon cœur veille. »« J'ai cherché durant la nuit celui qu'aima mon âme. »« Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé. »« Mon bien-aimé a passé sa main. »« Faut-il continuer, Miss Sarah ?» Miss Sarah ne répond pas. La tête rejetée en arrière, elle tient ses yeux clos et une respiration précipitée soulève son corsage. Aristide ne juge pas utile de poursuivre. Il mit son visage brun tout près du blanc visage et quatre lèvres se touchèrent. « Sarah, chère Sarah, Aristide, oh, un baiser, encore un baiser. » Mais voici qu'un bruit sec se décroche. La pendule sonne. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Miss Sarah s'est redressée toute frémissante, le regard fixé sur le cadran. « Retirez-vous » s'écrie-t-elle épouvantée. « Je vous en supplie, retirez-vous » Elle repousse l'assaillant avec colère et s'échappe de l'étreinte. « Quoi donc, qu'avez-vous ? » Le révérend Sweethall monte-t-il ? Elle a ouvert brusquement la porte, prête à fuir, et pâle, échevelée, haletante, désigne l'heure de son bras tendu. Eh bien quoi ? Minuit, tant mieux. Tous reposent. Seul l'amour veille, adorable Sarah. Remettez-vous au nom du ciel. Voulez-vous que je continue les versets de la Sulamite ? Taisez-vous, assez. Ne profanez pas les saints livres. N'approchez pas, surtout, n'approchez pas. Ne me touchez plus où j'appelle. Et fière, menaçante, impérieuse, avec des airs de druidesse outragée, la blonde Sarah, le bras tendu, montre la porte à Bondard, stupéfait. Que faire en pareil cas ? Obéir est le plus sage. Et c'est à quoi, tout penaud, se décida le bouillant amoureux. Il sortit le lendemain de bonne heure, empressé de fuir pour un jour la présence de cette fille extraordinaire et cabalistique. Avec ces Anglaises, on ne sait à quoi s'en tenir. Quelle lubie s'était emparée d'elle? Elle voulait, elle ne voulait pas. Il avait bien senti, cependant, son étreinte répondre à la sienne et le double baiser rendu. Il n'avait rien fait d'autre, pourtant, qui pût alarmer sa farouche pudeur de fille anglaise que Sainte Catherine a déjà coiffée. N'allait-elle pas tout dire à son frère, l'accuser d'attentat et d'assaut? Au diable, la Bible et la Sulamite, et les blondes mûres à caprices inédits! Fort inquiet, il n'osait rentrer, errant, passé minuit sur les hauteurs de Primrose Hill, d'où il apercevait la maison scolaire du révérend Sweethall, en comptant machinalement toutes les fenêtres depuis celle de sa chambre, et lui tardait de se fourrer au lit. Mais, non loin de la sienne, une faible lueur filtrait au travers des stores baissés de Miss Sarah. Veillait-elle donc pour l'attendre au passage et le couvrir de reproches? Le terrible John Sweethall y tenait-il conciliabule avec la placide mais implacable Mrs. Rebecca? L'heure passait, la lampe virginale brûlait encore. Il fallait se décider pourtant. Il pénétra sans bruit dans la maison et monta doucement l'escalier. Tout était silencieux. Le corridor noir. Pas de raie lumineuse sous la porte de l'étrange fille. Elle est donc couchée, enfin. Et il marche, sur la pointe du pied, devant la chambre de cette vierge énigmatique, lorsqu'une main, brusquement, lui saisit le bras et un blanc fantôme se dresse. « Miss Sweethall !» s'exclame-t-il, tout ému. « Aristide !»« Chère Sarah !» Silence. « Entrez chez moi, j'ai à vous parler. » Fasciné, Aristide Bondard obéit, se laissant conduire dans l'ombre. « Asseyez-vous. Nous n'avons pas besoin de lumière. Les paroles n'ont pas de couleur et il est inutile, mauvais, que vous voyez la rougeur de mon visage. » Elle était si près d'Aristide qu'il eût cru manquer à tous ses devoirs s'il n'avait entouré sa taille. Elle se laissa aller sans résistance et lui fit un collier de ses bras. « Je vous aime bien, » murmura-t-elle. « Oh, et moi, vous m'épouserez, Aristide ?»« Plutôt deux fois qu'une. » « Une suffit, mon amour. Vous me le jurez ?»« Je te le jure. Devant Dieu, devant Dieu. »« Eh bien, puisque j'ai votre parole de gentleman, » murmura doucement Miss Sarah à l'oreille d'Aristide, « aimons-nous donc sans remords. » Ils s'aimèrent, séance tenante, et la blonde fille mit à l'amour une terrible ardeur. Et quand à l'Orient blanchirent les étoiles, et qu'ainsi que Roméo, l'amant pensait qu'il était l'heure de regagner son logis, elle se cramponnait encore à lui de sa petite main nerveuse. « Adorable et cabalistique Sarah, laissez-moi partir. En attendant que je demande votre douce main au digne révérend frère, n'oublions pas la prudence. Restez, restez encore. Assez, ma chérie. N'affirmais-tu pas l'autre soir que le nombre 7 était le chiffre sacré qui scelle les promesses et le synonyme de complet ?» Oui, doux amour, mais puisque vous avez si bonne mémoire, il faut vous souvenir aussi que 8 est celui de justice et de plénitude. Et quelques jours après, lorsque, se promenant lentement dans les allées fleuries et verdoyantes de Regent's Park, suivant la coutume des heureux fiancés, Aristide Bondard demanda « Ah ça, ma chérie, dites-moi donc quelle lubie vous a prise tout à coup le premier soir où j'eus le bonheur d'approcher mes lèvres des vôtres. » Mais elle, rougissante, le sourcil froncé, riposta. « Oh, français impie et sans morale, osez-vous me rappeler cet affreux souvenir? Vous avez failli me faire pécher alors. » « Eh bien, mon ange, puisque nous avons péché le lendemain. » « Oui, mais le lendemain était un lundi, et la faute est vénielle, tandis que la veille, nous entrions dans la première heure du dimanche et le jour du sabbat. » « Vous savez, je vous le répète pour l'avenir, Aristide, ne doit être consacré qu'à Dieu. » Et s'aimer le jour du sabbat est un péché mortel. Ainsi s'achève Péché mortel de Hector France.